mesdames, messieurs, on va clôturer ce, ces deux journées et demie de colloque, deux journées et demie de discussion et de réflexion de très haute volée, mais je pense qu'ils sont accessibles à un large public. C'est ça aussi qui est dans, que je retiens comme première, premier enseignement, c'est que j'ai ressenti un intérêt, une concentration maximale dans, dans cet espace, avec beaucoup de, d'interactions entre les conférenciers et les participants, qui sont aussi des gens, des chercheurs, des enseignants, des diplomates, des gens qui ont une expérience du monde, une expérience de l'islamité contemporaine. Et donc, nous allons clôturer, peut-être, il faut regarder l'avenir. Je voudrais simplement dire, je ne vais pas rester longtemps. Bon, j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois. Ricardo n'est pas venu, je le regrette, parce que des questions un petit peu de santé. Mais je voudrais lui laisser parler, parce que nous avons tous les deux travaillé à ce colloque. Je voudrais, pour la petite histoire, évoquer quelque chose d'assez amical. Il y a 30 ans, nous commencions tous les deux nos études à l'Institut universitaire d'études du développement. Nous étions exactement il y a 30 ans. Et, et donc, c'était juste au début, quelques mois après cette première année à l'IUD. À l'époque, l'IUD représentait vraiment le forum du tiers-monde. Et c'était une période d'intense débat sur l'avenir des peuples du Sud. Et il y avait eu les premières manifestations des émeutes du pain en janvier 1984 au Maroc et en Tunisie, je me rappelle bien. Et on avait organisé en tant qu'étudiant un petit séminaire où on découvrait pour la première fois l'élément, le facteur islam dans la contestation. 30 ans ont passé et nous faisons un colloque tourné vers l'avenir qui, comme on a dit, suite à l'irruption du réel, à ce réel, à l'état pur, cette empiricité des révolutions sociales dont vous avez évoqué, et qui nous permettent d'envisager l'avenir, un avenir ouvert et possibiliste sur le long terme. Donc, ce que je voudrais dire très brièvement, c'est que ce colloque, l'idée, c'est que réfléchir sur l'islamité contemporaine, l'islamité qui doit être à la fois à la croisée entre la citoyenneté et l'humanité, et qui doit traiter aussi de la question de l'identité, c'est vraiment une question contemporaine, et ça ne peut pas être l'œuvre de, comme dans le passé, d'un seul homme ou de deux hommes. C'est vraiment un processus d'intelligence collective. Et donc, je voudrais insister sur l'idée que les conférenciers, c'est vraiment l'idée, c'était d'avoir une variété d'éclairage, pas d'avoir quelque chose de convergent. Peut-être que les éclairages que nous avons pu percevoir divergent sur certains points, mais l'idée, c'est de montrer une multiplicité d'éclairages possibles sur des questions éminemment complexes et qui dépassent le cadre, les compétences de spécialistes pointus. Et donc, on voudrait vraiment répondre aux besoins du réel, aux besoins d'une jeunesse qui est en phase de transformation et qui va prendre les commandes. La jeunesse de 15-24 ans, dans une dizaine d'années, prendra le pouvoir dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, et ils vont être porteurs de modernité sociale et politique dont nous n'avons pas idée, et dont les révolutions sociales de 2011 ne sont que les premières lueurs. Et donc, c'est un défi au cogito, c'est un défi à la réflexion, essayer de rendre compte du réel, essayer aussi d'enrichir, d'accompagner. Et donc, j'aimerais que ce processus qui a été initié aujourd'hui grâce à l'ASDEAM, à l'Institut des hautes études internationales et du développement, le Centre de politique de la sécurité de Genève, puisse, avec le concours aussi du Centre Jacques Berck de Rabat, puisse se poursuivre. Pas simplement ici, mais qui se poursuivent à Beyrouth, qui se poursuivent dans d'autres régions, au Caire, à Tunis, à Alger, au Maroc, en France. Donc l'idée c'est de développer ce processus d'intelligence collective, et donc il faudra qu'on discute de l'avenir. Il y aura une publication, mais il faut imaginer, il n'est pas exclu que dans deux ans nous puissions réorganiser un colloque sur le même sujet, en prenant en compte les évolutions des deux dernières, de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que nous avons avancé, est-ce que nous avons pu avoir une production intellectuelle significative. Je voudrais insister aussi sur la plateforme, le petit portail de connaissances qui commence à germer dans le site Iqbal, donc le site iqbal.hypothèse.org. C'est vraiment le réceptacle de ces cogitations. Nous avons un compte rendu qui a été filmé grâce à l'aide précieuse et au savoir-faire de Maryam Benjelloul, que je tiens à remercier particulièrement, parce que son travail ne fait que commencer, elle doit monter tout ça. Mais l'idée, c'est de l'intégralité du colloque sera disponible sur le site, avec aussi des écosystèmes qui renverront aux œuvres, aux sites, aux pages des différents intervenants. Donc je vous encourage vivement à utiliser, pas simplement à visiter ce site, mais à l'utiliser comme un outil d'apprentissage, un outil de partage du savoir. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'humanisme numérique, nouveaux moyens d'accès du savoir. Je crois qu'on a fait une démonstration d'une intelligence collective à l'heure dans ce colloque. Et l'idée, c'est cette idée maintenant qui lui permette cette transformation technologique qui transforme l'humanité. Si tu ne vas pas au savoir, le savoir ira à toi. Alors, j'aimerais insister, utiliser cet outil, cette plateforme pour partager les ouvrages qui ont été discutés ici d'éminents spécialistes, pour rendre compte de ce processus. C'est un processus, et donc nous envisageons, j'espère, un futur ouvert et utile, et qui rapproche, et qui permette une intercompréhension, qui rapproche, parce que ce que je trouve très, très positif dans le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est que nous avons évoqué beaucoup de problèmes, beaucoup d'acrimonies, beaucoup de différences, mais les révolutions sociales ont montré que finalement, il y avait une convergence. On a évoqué certaines valeurs humanistes qui sont partagées un peu partout dans le monde actuellement. Et donc, je pense que notre travail permet une meilleure compréhension. Il y a eu une grande acrimonie vis-à-vis une mauvaise compréhension de l'islam. Et l'islam a besoin de se transformer. Enfin, quand je dis islam, je parle des sociétés, je parle des hommes, des femmes. Et donc, notre travail, ce processus, c'est aussi de rapprocher les gens et d'établir des liens, de faire de la traduction, de faire circuler les idées. C'est ça le grand projet. Et voilà, donc je vous remercie vraiment. Je sais que c'était assez dense, mais je pense que nous en avons tous profiter de ces cogitations, de ces discussions, de ces remarques rapides, de cette circulation de la parole. Et je vous remercie tous et je vous dis, il allait, Inch'Allah. Merci à vous. Voilà, quant à moi. Pour des raisons de santé, je n'ai pas pu être présent le premier jour, donc je vais peut-être brièvement donner quelques éléments qui étaient prévus pour l'introduction de ce colloque. Et comme elles seront filmées, la majorité des participants au colloque ne sont plus là parce qu'ils ont dû prendre le train, l'avion pour rentrer chez eux, pourront de toute façon l'écouter. Comme Reda l'a évoqué, effectivement, il y a une histoire personnelle derrière le colloque, dans la mesure où il y a 30 ans, nous étions étudiants ensemble. Mais plus que cela, puisque j'ai revu Reda il y a 2 ans environ, qui était porteur d'un projet qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet de l'ASEAN. Alors que nous parlions de tout ça, le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, était en pleine effervescence, et de mon côté, et avec une série de collègues, dont Benoît Chaland qui est là, qui à l'époque était encore présent à Genève, mais également Mahmoud Oul Mohamedou, qui aujourd'hui est directeur de recherche au Geneva Center for Security Policy, et une quatrième collègue, Tania Paffenholz, nous avions mis sur pied un projet visant à interroger le rôle des sociétés civiles dans les processus de transition, comme point d'entrée pour regarder aux événements de printemps arabe. Et c'est au fond à travers cette réflexion à laquelle nous avons immédiatement associé Reda, puisque en 2011, nous avions organisé en 2012, au printemps 2012, nous avions organisé à Amman un premier colloque qui se voulait plutôt un dialogue avec des chercheurs arabes, mais également des activistes arabes. Nous avons poursuivi ensuite au Caire en 2013, mois de février de cette année, un autre dialogue qui a davantage inclus des représentants de Nahda, des frères musulmans en Égypte. Nous avons tenu cela au Caire, à l'Université américaine du Caire. Donc, en quelque sorte, on a petit à petit mis ensemble un certain nombre d'idées avec Reda. Ma position et mon intérêt sur une série de thèmes que Reda proposait dérivait du fait que je me suis assez rapidement dit qu'en réalité, après, si on regarde le XXe siècle, l'avènement sur la scène politique de partis issus de la mouvance islamiste, peu importe les étiquettes qu'on leur colle, modérés, extrémistes, etc., était peut-être la bonne foi. Je veux dire par là, et je le crois, même si nous sommes dans un creux de la vague en ce moment, je crois que ce seront les acteurs qui pourront amener un véritable changement, une forme de démocratie arabo-islamique que depuis la fin du 19e siècle, dans une quête de modernité ininterrompue, le monde arabe n'a pas encore atteint à sa guise. Et je le dis cela sans la mesurer à la une des divers modèles politiques des régimes démocratiques occidentaux, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comment, au fond, dans cette quête de modernité, la recherche d'une modernité arabo-musulmane peut et sera atteinte. Et je crois, en disant que c'est peut-être via l'expérience actuelle qui est conduite par le régime islamiste que ce changement pourra advenir. Pour advenir, parce que on l'a évoqué dans ce colloque, il n'est point question de adopter telle ou telle autre posture idéologique. N'importe quelle posture idéologique sera confrontée à des questions bien concrètes. Il y a des millions de gens au chômage, il y a des comptes d'un État à garder en équilibre, il y a des données structurelles, économiques, sociales, de différents ordres, auxquelles n'importe quel gouvernement, islamiste ou pas, est confronté. Et donc, quelle meilleure chance pour des acteurs comme Nahda ou M. Morsi de se retrouver non plus dans l'opposition, mais à devoir gérer directement ces enjeux et finalement de pouvoir y apporter des solutions, je l'espère, et des réponses qui ne seront plus celles dictées nécessairement par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou les coopérations, les institutions de coopération au développement. Donc je crois que là, je ne veux pas être hyper idéaliste, mais je crois qu'il y a le terme d'une équation qui peut s'esquisser et qui est porteuse d'espoir. Et c'est un peu, disons, très, très vite, un peu dans ce cadre où le thème de travail de ces deux jours et demi sur l'islam et sécularisation qui pouvait sembler provocateur en ce moment, ne l'est pas du tout, en fait, ne l'était pas du tout de notre point de vue. Et voilà que ces deux jours et demi nous ont amené, je dirais, non pas des réponses, peut-être ils nous ont amené les bonnes questions. Ils ont amené des bonnes questions sur lesquelles nous pouvons continuer à travailler. J'espère que nous pourrons le faire non seulement à travers la publication d'un livre que peut-être on peut penser également peut-être de forme un peu différente des livres classiques, passer à un livre électronique, enfin travailler un peu de façon créative sur la construction d'un produit qui puisse circuler. Ce que j'ai particulièrement apprécié pendant les séances auxquelles j'ai pu assister, c'était pas simplement la richesse des contenus, mais également la forme et le ton des personnes qui ont présenté. C'est-à-dire, pour une fois, on était un peu en dehors des schémas académiques classiques où voilà, les gens ont besoin de montrer comment ils sont plus intelligents que les autres, ils ont plus de choses à dire. À 95%, j'ai eu l'impression que voilà, finalement, il y avait des beaux dialogues, il y avait une façon de partager des doutes qu'on avait et tout simplement de partager avec les autres un petit peu les petits savoirs que les uns et les autres étaient porteurs. Donc voilà, c'était quelques mots de conclusion que je voulais vous adresser, tout en remerciant non seulement Reda, mon coéquipier, et l'ASDEAM pour l'appui fourni, mes collègues du Centre sur le conflit de développement et la paix de l'Institut, dont Sandra Reimann, qui a été une cheville ouvrière avec Imen Achala, qui n'a pas pu être là parce que ces derniers mois, ils ont travaillé à l'organisation logistique du colloque, et même plus que cela. Aussi Oliver Jutterson, que vous avez vu pour ceux qui d'entre vous étaient à la session d'ouverture, qui est le directeur exécutif du centre. Évidemment, au centre Jacques Berg, on a été honoré de la présence de Cédric et d'autres collègues du centre, dont bien sûr Reda. Mais j'espère qu'une prochaine fois, nous pourrons aussi bénéficier de la présence de Baudouin Dupré, qui est un vieil ami, et on était collègues en quelque sorte dans les années 90, quand lui étant à l'époque belge et moi italien, nous avions été embauchés par les affaires étrangères françaises comme directeur de centre au Caire et à Amman. Et on avait partagé à l'époque pas mal d'épisodes amusants, si je peux dire ainsi. Enfin, Mahmoud ne pouvait pas être là cet après-midi, Mahmoud Boulmohamedou, qui a également été une cheville ouvrière importante dans tout le travail. Voilà, merci de votre présence. Merci.